tout ce que tu sais. Ça sera plus jamais comme c'était. Oublie tout ce que tu es. Tu seras plus jamais comme t'étais. C'est un voyage dans le cœur de tes nuages. Un beau voyage qui va te changer en sage. Tu fais naufrage dans l'âme de ton image. Tu fais naufrage, puis tu deviens plus sage. Ouvre, ouvre tes yeux. Si tes ailes entrent dans le moule, tu peux dire adieu aux oiseaux. Tu prendras ta place dans la foule, t'auras tout juste droit au corbeau. Si tes ailes entrent dans la cage, sans que tu t'y sentes à l'étroit, tu peux dire adieu au voyage. La dérive, ça n'est pas pour toi. Ça n'est pas pour toi. Pas pour toi. Il y a ceux qui marchent et ceux qui rêvent. C'est pas facile de faire les deux. En route, le jour s'achève, on est surpris d'être déjà vieux, déjà vieux, déjà vieux.